Ravi de vous retrouver sur l'antenne du 94 MHz et depuis quelques semaines, l'Asile le plus sûr est également en version podcastable sur le blog asile35.blogspot.com, également en streaming sur Mixcloud. Il y a moyen de poster des commentaires, voilà, si le cœur vous en dit. On va attaquer avec un disque qui nous a échappé, en fait, un disque du premier semestre 2013 qui n'était pas passé par notre radar au disque assez novateur. Il s'agit d'un groupe d'Austin au Texas, le groupe Mary Edge, dans lequel on retrouve l'ancien batteur de Black Eyes ainsi que deux anciens de Sheet and Shine. C'est une sorte de croisement entre les Bottle Surfers, Cannes et les Boredoms. Ils ont fait paraître leur premier album officiel sur le label Monofus Press en vinyle au printemps dernier, et ils avaient déjà sorti un EP et une cassette que je n'ai pas du tout écouté. En tout cas, celui-ci est de très très bonne aloi. Il s'intitule Four Broadsman, et comme de juste, il comporte un portrait du colosse de Wuppertal sur la pochette. Je propose d'écouter deux titres enchaînés de cet excellent disque de Mary Edge, For Peter Brotsman. Thank you. On a démarré sur les chapeaux de roue avec le groupe américain Marriage et l'album Four Broadsman avec un titre qui partait pas mal en cacahuète, extrait de cet album donc publié sur le label Monophonus Press, qui ne comporte pas de saxophone free à la Peter Broadsman. C'est plutôt un disque et un projet de free rock assez percussif et de très très très bon goût, ce Marriage que je vous conseille chaudement. C'est sorti un peu avant l'été et c'était enchaîné avec une séquence, on pourrait dire à la Lalo Schifrin, par le plus australien des New-Yorkais, monsieur Jim G. Sirlwell, alias Steroid Maximus Manorexia, et le plus souvent Fuetus depuis les années 80, qui revient avec un tout nouvel opus sous le titre de Soak. Un album qui est un peu dans le registre de ce qu'il peut produire, notamment avec ses différents alias, donc toujours une sorte de croisement entre composition assez survitaminée et musique un peu série B post-industrielle et un peu gothique sur les bords. C'est un peu dans la lignée de son précédent album qui s'intitulait Hyde, qui était sorti sur Ectopic Hands comme celui-ci. Fuetus, qu'on avait laissé en compagnie de Miss Zola Jesus et de l'album Version qu'ils avaient co-signé, Zola Jesus avec le Mivos Quartet With Strings, qui était sorti au mois de septembre, mais il ne fait pas que collaborer et faire les arrangements pour d'autres. Il est assez productif puisqu'il y a aussi une bande originale d'un film qui sort en parallèle, mais là sous son vrai nom, J. Sirlwell. La bande originale du film The Blue Eyes de la réalisatrice mexicaine Eva Aridis, totalement inconnue au bataillon. Ça a l'air d'être un tantinet gothique, ce film également. Quant à l'album Soak, il comporte des reprises, notamment de The Normal, le fameux Warm Leatherette revu à la moulinette par Mr. Fuetus, et également un titre de Nino Ferrer, La Rua Madureira, qu'on retrouve également sur la compilation qui était sortie l'an dernier chez Optical Sounds sous le titre Objet noir et chose carrée. Et il y a aussi d'ailleurs un titre remixé par Secret Chief 3 sur ce nouvel album de Fuetus, Soak. Voilà, vous savez tout pour ce disque de Fuetus. Je propose d'enchaîner avec un morceau, un tantinet plus calme, du dernier album des Magic Markers, Surrender to the Fantasy. Je vous ai proposé déjà un premier extrait de cet album il y a de ça 15 jours, 3 semaines. Disque qui vient tout juste de voir le jour sur le label Drag City par le groupe du Connecticut mené par la chanteuse et guitariste Elisa Ambrogio. On écoute le Red and Black and Grey and White. Ça c'était le titre de Fuetus, je m'en mêle les pinceaux, le titre Screams of Birds and Girls par les Magic Markers. Thank you. ever felt about it. Of a thing. You need to be tired. On a démarré avec les cris des oiseaux et des filles de Magic Markers, extrait de cet album Surrender to the Fantasy, publié sur le label Drag City, le projet mené par Elisa Ambrogio et son camarade batteur Pete Nolan. Un album qui nous pourrait nous faire dire que le songwriting à l'américaine n'est pas mort avec Lou Reed. Très bel album, ce Surrender to the Fantasy des Magic Markers, impeccable comme le reste de ce qu'ils ont publié depuis une douzaine d'années. C'était nettement plus noise à l'origine et maintenant c'est beaucoup plus écrit, mais de très très bon goût. Et c'était enchaîné avec un titre extrait de cette anthologie du groupe Chrome, Half Machine from the Sun, The Lost Chrome Tracks from 7980, sorti sur Pledge Music, donc des titres anciens, donc comme le nom l'indique, de ce projet qui était mené par le regretté Damon Edge, qu'il avait fondé au milieu des années 70, musicien qui était très influencé par les studios tout autant que par John Cage, et il avait été rejoint par le guitariste Helios Creed, et ce duo avait été assez prolifique et assez étonnant à la fin des années 70, début des années 80, notamment les albums Alien Soundtracks et Half Machine Leap Moves, qui sont très très réussis dans le croisement un peu des musiques à l'américaine entre Suicide et les musiques industrielles et New Wave de l'époque. Et donc une très bonne anthologie qui peut servir de porte d'entrée pour la musique de Chrome. On continue avec cette fois-ci le plus parisien des New Yorkais, j'ai nommé Monsieur Rhys Chatham. Rhys Chatham, guitariste qui aussi s'est illustré et fait connaître à partir des années 70, notamment en tant que directeur d'une institution, une micro-salle dans laquelle se produisait à peu près tout ce qui bougeait dans les musiques expérimentales à New York à partir du début des années 70, The Kitchen. Et c'est plutôt quelqu'un donc, qui s'est fait connaître comme compositeur de musique minimaliste. Mais il est venu assez vite au rock, notamment après avoir assisté au premier concert des Ramones au CBGB vers 1977. Et donc en observant un peu tout ce qui se bourgeonnait du côté de la No Wave aussi à New York dans ces années-là, il s'est mis à la guitare, il joue aussi de la trompette et donc beaucoup de compositions. On l'a connu assez tardivement dans les années 80 en Europe, mais depuis il produit à rythme assez régulier, notamment des compositions pour des centaines de guitares, entre 100 et 400. Récemment, il s'est produit aux côtés de Charlemagne Palestine, le label new-yorkais Northern Spy, qui avait fait paraître un précédent album, vient tout juste de sortir le disque Harmonie du soir, trois longues pièces d'une bonne vingtaine de minutes, dans le registre assez proche de ce qu'il fait depuis les années 80. Donc des compositions longues et répétitives en plusieurs mouvements pour guitare. On écoute un extrait du titre qui a donné le nom à cet album, titre d'ailleurs qui fait un peu verveine ou camomille, Harmonie du soir, donc par Rhys Chatham. Thank you. Harmonie du soir, suivi de Mimosa, deux disques récents qui travaillaient le concept de la répétition. Tout d'abord, le dernier opus de Rhys Chatham, un album qui fait pas mal penser un peu à ce qu'il produisait ces dernières années, notamment avec son guitare trio qu'on avait eu l'occasion de voir d'ailleurs en concert, qui avait donné lieu à un très très beau coffret sur le label Table of The Elements, donc trois très longues pièces de monsieur Rhys Chatham, avec d'ailleurs une revisite aussi, un vieux titre des années 70, Drastic Classism Revisited, qui était une pièce, je crois, à l'époque qu'il jouait aux côtés de Glenn Branca quand il s'entendait encore un peu. Voilà, et c'était enchaîné avec l'anglais, le projet solo de monsieur Steven Warwick, Hit Sick est l'album Re-Engineering, sorti sur le label de monsieur Bill Cooligas, Pan Records, en vinyle il y a peu. Hit Sick, qui est la moitié du duo britannique Birds of Delay. Son acolyte Luke Younger, lui, se produit sous le nom de Helm. Il y a d'ailleurs aussi un autre album de Helm qui doit sortir au même moment sur le label Pan, sous le titre The Hollow Organ. Et si vous vous intéressez à la musique de ces deux énergumènes qui produisaient plutôt des musiques électroniques très très bruitistes et très noise au milieu des années 2000, je crois que mes tympans s'en souviennent encore d'un concert aux instants chavirés de cette époque, et donc qui se tourne maintenant plus précisément vers de la musique électronique un peu nouvelle. Il y a un très beau dossier qui leur est consacré dans le magazine anglais The Wire du mois de décembre, le numéro 358, pour donc apprendre pas mal de choses de la musique de Hit Sick et Helm. On va continuer avec le retour d'un vétéran de l'improvisation libre. Il s'agit du guitariste, cette fois-ci californien, Henry Kaiser, qui est actif depuis au moins la fin des années 70, avec notamment son légendaire label Metal Engage, qui faisait le pont à l'époque entre improvisation européenne et les expérimentations outre-Atlantique, donc qui avait permis de réunir notamment Eugene Chadbourn et Derek Bailey. Henry Kaiser, qui a une très belle collection de titres qui vient de paraître sur le label Tzadik sous le titre Requia and Other Improvisations for Guitar Solo. Le titre de ce disque est d'ailleurs un hommage au plus primitif de la guitare folk. J'ai nommé monsieur John Fay, qui avait sorti Requia and Other Compositions for Guitar Solo en 1968, ce qui ne nous rajeunit pas. Et donc Henry Kaiser lui rend hommage, ainsi qu'à plusieurs autres guitaristes tels que Sonny Sharrock, Pete Causey, Randy California, également Sun Ra et Masayuki Takayanagi. Mais là, je vous propose d'écouter un titre qui rend hommage à monsieur Robbie Basho. C'est le morceau qui ouvre d'ailleurs cet album Requia d'Henry Kaiser, le titre Basho Journey. On écoute Henry Kaiser. Thank you. Thank you. une séquence en compagnie des chercheurs de perles de l'improvisation. Tout d'abord, un vrai plongeur sous-marin, Henry Kaiser, et son Requia and Other Improvisation for Guitar Solo. Un titre où il revisitait le folk des Appalaches et la musique de Robbie Bachot, mais de manière improvisée, comme l'ensemble de ce disque paru récemment en CD sur Tzadik, qui était enchaîné avec un 33 tours où nous retrouvions, ou qui marquait plutôt les retrouvailles entre Fred Friss et Christian Marclay. Il s'agissait d'un concert enregistré le 7 juillet 2012 au fameux Café Otto de Londres, disque publié d'ailleurs par les bons soins du label Otto sur sa propre étiquette Otoroku, qui existe depuis un an et demi à peu près et qui a sorti une petite dizaine d'albums, notamment des disques de Otto Moyoshide, des rencontres entre Thurston Moore et Alex Ward, Roscoe Mitchell aussi, Decoy with Joe McPhee, également Mats Gustafsson et Thurston Moore. J'avais l'occasion d'ailleurs de vous proposer ce disque il y a de ça quelques semaines. Et donc ce live at Café Otto de Fred Friss et Christian Marclay, un disque d'ailleurs qui... pour lequel les fonds servent pour le matériel, pour racheter du matériel en fait de sonorisation pour ce club dédié à l'improvisation à Londres. Donc si vous voulez faire un bon geste, procurez-vous ce live qui mélange donc platine et guitare de manière assez réjouissante. On va continuer avec une musicienne suédoise, ou plutôt finno-suédoise, qui répond au nom de Tsembla, qui a fait paraître à la fin du mois de mai dernier l'album Nuska Anget sur le nouveau label de Matt Mondenheil de DuckTales, New Images. Et c'est son deuxième album à ce jour pour cette norvégienne Marja Johansson. Elle avait sorti un 45 tours aussi, et c'est quelqu'un qui est assez en osmose avec un peu tout ce qui se passe en Finlande depuis une bonne dizaine d'années du côté du folk tribal et psychédélique. On pense beaucoup à Kemi Elisette Istevat pour ses textures pour le moins débridées. Je propose d'écouter le titre Vassen Kasi Kolmasovi par Tsembla, extrait de ce Nuska Anget, donc par mademoiselle Tsembla. Thank you. Thank you. l'instant dans l'asile de Pussio, une séquence pour réveiller vos cages à miel engourdies par le froid. On a commencé par les sons très chamarrés de la finno-norvégienne Marja Johansson alias Tsembla et son disque Nuska Anget, sorti sur New Images, le label de DuckTales, qui était enchaîné avec le Sangar Seraken of Bali, qui est un ensemble balinais. Je m'intéresse beaucoup à la musique indonésienne et balinaise depuis un paquet d'années. Et le label Sarkasso a fait très très bien les choses avec deux CD produits par Andrew Clay McGraw, qui sont une sorte de retour des musiciens indonésiens vers les compositeurs occidentaux qui se sont emparés de leur musique au 19e et 20e siècle. Là, on entendait donc un extrait de Gamelan Cage, le disque qui reprend des pièces au piano préparé de John Cage sur grand ensemble de Gamelan. Le piano préparé de John Cage qui l'a inventé dans les années 30-40, qui effectivement faisait furieusement penser à des sonorités de gong, bulbé et autres orchestres de gamelan. Et il y a aussi un autre disque qui rend hommage ou qui reprend, donc les musiciens balinais reprennent les compositeurs minimalistes, notamment Terry Riley sur un autre disque Returning Minimalisme, tout ça sur le label Sarkasso. Et ce qu'on entendait à l'instant, c'était une pièce de Lou Harrison jouée par un ensemble dirigé par le percussionniste new-yorkais William Winant sur son album Five American Percussion Pieces, qu'il a publié sur son propre disque, son propre label Poon Village. William Winant, qui est une sommité de la percussion, qui est enseignant, qui a joué en côté de quantité de musiciens de rock, de free noise, de musique expérimentale, improvisée et jazz contemporain, notamment les gens de Sonic Youth. Il a joué la musique de Karlheinz Stockhausen, il a joué aussi la musique de John Cage d'ailleurs, et aux côtés de Fred Friss et de quantité d'autres musiciens contemporains. Il n'avait pas vu d'album sous son nom avant celui-ci, donc Five American Percussion Pieces. Voilà, on va continuer avec un album fleuve sous le nom de Navigation par le Taylor au binôme Sextet et Septet. Donc Taylor Obinome, qui est un cornettiste très très énervé depuis une bonne quinzaine d'années dans le jazz américain, et il a sorti cet album quadruple, deux CD, deux vinyles, pour couvrir sa composition modulaire et multiformat. Il s'agit en fait de deux sets enregistrés, l'un en concert, l'autre en studio. Donc c'est sorti sur son label Firehouse 12 Recordings, The Complete Navigation, qui est sous-titré d'ailleurs Possibly Abstracts. Et on retrouve pas mal de musiciens fort intéressants du jazz contemporain américain, tels que Mary Alvorson ou encore Chad Taylor à la batterie, ou encore Thomas Fujiwara au vibraphone, sur cette longue composition dont je vous propose d'écouter un extrait du Navigation Possibility Abstract Number 11. Voilà, on écoute Taylor au binôme sextet dans l'asile le plus sûr. I don't know.

bout de chemin en compagnie du Taylor au binôme Sextet et de sa composition Fleuve Navigation, composition modulaire double vinyle et double CD pour l'écouter en entier. C'est publié par son propre label Firehouse 12 Recordings. Voilà, je voulais vous faire quelques petites annonces concerts avant de se quitter concernant le off des trans musicales, avec deux soirées qui auront lieu au 48 vendredi et samedi prochain, donc les 6 et 7 décembre, donc possibilité de terminer là-bas très très tard, et également évidemment les 3 jours de clôture du café La Bascule sur le boulevard de Verdun, une manière d'enterrer de la plus belle des façons le café qui nous a fait rêver pendant 5 ans. On remercie Gilles bien évidemment pour toutes ses aventures musicales qu'il nous a proposées et qu'il a accueilli dans son club. Et donc jeudi, une soirée organisée par l'association Cafuel, avec trois propositions: février, Moller Playset et le retour des Enablers, tout ça pour 6 €. Donc ce sera ce jeudi 5 décembre pour une grande soirée noise à la Cafuel au café La Bascule, et deux soirées vendredi et samedi où vous pourrez entendre pas mal de musiciens qui ont fait l'histoire du café La Bascule. Je ne vais pas vous dévoiler ni vous énumérer toute la programmation, il faut s'y rendre assez tôt, ça risque de terminer assez tard également, donc ce sera en entrée libre le vendredi et samedi, j'imagine. Il y aura même possibilité de chausser ses chaussons de danse, notamment pour un dance floor endiablé emmené par monsieur Lester Broom et aussi Mistress Bombash. Ce sera samedi pour clôturer tout ça, donc le samedi 7 décembre, tous au café La Bascule, et les deux jours précédents également. Voilà, on se termine avec un dernier titre d'un musicien minimaliste américain. Il s'agit de Phil Niblock et un extrait de son Touch 5 qui est sorti au mois d'octobre, donc sur le label Touch. Deux CD avec 5 longues pièces de drones étendues, comme on dit, par l'un des maîtres du minimalisme, un disque qui a été publié d'ailleurs pour fêter ses 80 ans. Et je vous propose d'écouter un extrait de la pièce Tulips Swern Guitar Quartet, composition donc qui fait pas moins de 22 minutes, mais on en écoutera juste un bout évidemment. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine.